I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la disparition du vol Malaysia Airlines MH370. Notre invité en direct de Hong Kong, la journaliste Florence de Changy. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, correspondant de Radio France et du journal Le Monde en Asie-Pacifique depuis près de 30 ans, vous avez couvert cette affaire de l'avion depuis le début et vous êtes l'autrice d'un dernier livre sur ce sujet, Contre-enquête, dans lequel vous disséquez la version officielle de cette disparition, alors entre guillemets justement, et vous revenez sur chacune des pistes et les hypothèses qui ont surgi depuis 7 ans. Ce livre, intitulé Le vol MH370 n'a pas disparu, vient de paraître aux éditions Les Arènes. Alors déjà, on a un petit peu de temps, donc on peut en reprendre les choses, les événements. Déjà, vous êtes aperçu que entre le moment de la première diffusion de ce récit et aujourd'hui, en principe, en 7 ans, tout est complètement obsolète. Évidemment, il se passe plein de choses. Et là, le problème, c'est qu'il se passe peu de choses. On n'en sait pas beaucoup plus, voire pas plus du tout. D'ailleurs, et d'abord, que dit le rapport de l'enquête officielle? Rappelons-le, ça sera la base de notre discussion. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs enquêtes et plusieurs opérations de recherche depuis le début. Et le rapport officiel, celui auquel on se réfère, c'est celui qui a été fait dans le cadre de l'annexe 13 de la Convention de Chicago, qui, disons qu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avions de ligne. Il y a toujours une enquête technique dont le but est de comprendre les raisons de l'accident, avant tout pour éviter évidemment que le même accident ne se reproduise. Et ce rapport qui a été rendu en juillet 2018, vous le disiez tout à l'heure, sa conclusion, en gros, ça a été « on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer ». Les enquêteurs, ils disent quand même également, et c'est pas totalement anodin au détour de la conversation, qu'ils ne peuvent pas exclure l'intervention d'une tierce partie. Mais donc ça, c'est l'enquête technique. Mais il y a également eu des rapports d'enquête sur les recherches de l'épave, qui ont été principalement menées dans le sud de l'océan Indien par l'Australie. Ce dossier-là, il est également refermé depuis 2017. Et en dépit des grands moyens engagés, les recherches n'ont strictement rien trouvé. Pas la moindre trace de l'avion, de ses 239 passagers, de ses 10 tonnes de cargo, ni en surface d'ailleurs au début, ni au fond de l'océan par la suite, sur l'ensemble de la zone scannée. Et puis, enfin, il y a aussi eu des enquêtes criminelles. Et à ma connaissance, l'enquête de la police malaisienne est terminée depuis longtemps. Et donc concrètement, aujourd'hui, la seule enquête encore en cours est celle menée par la justice française. Oui. Mais je ne sais pas au titre, quelle piste ils privilégient ou où ils en sont. Au titre qu'il y avait quatre Français dans l'avion, hein, que ça donne légitimité à la justice française d'enquêter. Alors, ce qui vous fait dire, je l'ai dans une autre interview, que la version officielle selon laquelle l'avion a disparu est une insulte à l'intelligence humaine. On sent un peu de colère derrière ça. Ah oui, vous trouvez pas ? Ben si, justement. Oui, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que mon premier livre s'appelait Le vol MH370 n'a pas disparu, parce que je disais que c'est une ineptie en 2014 d'oser affirmer que on croit, les autorités du monde entier croient et voudraient que l'on croit qu'un Boeing 777, qui est l'un des avions les plus sûrs de la flotte de l'aviation civile, a disparu. Et en plus, il n'a pas disparu n'importe où, il a disparu dans l'une des zones les plus surveillées de la planète par les deux premières puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine. Donc effectivement, il y a de quoi être en colère. Et quand on est journaliste, il y a de quoi refuser cette version des faits. Dites-moi, 7 ans après, est-ce qu'on cherche encore des fragments d'avions ? Alors, il y a des spécialistes qui retrouvent des débris d'avions assez régulièrement. D'ailleurs, c'est notamment dans le sud de l'Afrique et de l'océan Indien. En ce qui me concerne, pour les débris que j'ai étudiés, et en particulier le flaperon, je ne suis pas du tout convaincue de la provenance et de l'authenticité de ces débris. Donc, d'après mes recherches et les documents auxquels j'ai pu avoir accès, il n'y a en fait aucun morceau probant du vol MH370. Question technique et professionnelle au passage, parce que quand même, quand on voit à quel point tous les enquêteurs ont eu du mal à avoir des infos de la part des parties, et même de la Malaisie, alors c'est quand même le premier pays concerné, j'ai envie de vous demander comment vous avez mené votre enquête, autrement dit, auprès de qui et sur la base de quels documents, à quels documents vous avez pu avoir accès, parce que j'imagine que ça n'a pas été facile. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette enquête, c'est que j'ai l'impression que j'ai vraiment des sources d'une très grande variété, en fait. Alors, il y a les documents officiels, et toutes les enquêtes qu'on vient de citer, elles ont chacune produit des rapports à différentes périodes. Donc, il y en a eu un an après, il y en a eu même un mois après, un an après, deux ans après, etc. Donc ça, c'était une base officielle qui est quand même très intéressante parce qu'elle est très documentée. C'est des documents qui font plusieurs milliers de pages. Ensuite, vous avez des documents qui sont également officiels, mais qui sont confidentiels. Ça peut être les rapports de police. J'ai eu accès à une partie des rapports de police malaisiens. Et j'ai eu accès également à certains documents de l'enquête française. Donc ça, c'est pour les documents. Ensuite, il y a des documents qu'on vous livre, qu'on vous donne. Et ça, c'est des sources. Par exemple, on m'a donné, c'était vraiment un cadeau, les données radar de la Thaïlande pendant les 48 heures avant et après le vol. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un très grand nombre d'avions américains sur zone. Ensuite, il y a des sources militaires, il y a des sources, des renseignements, et puis il y a des sources totalement anodines, comme des témoins qui n'ont rien à perdre et rien à gagner, mais qui veulent simplement partager leur témoignage parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être un petit bout de la vérité dans ce qu'ils ont vu, dans ce qu'ils ont trouvé. Et donc ça, c'est une source de plus. Mmh. Et c'est des gens à qui je donne crédit parce que comme je vous dis, ils n'ont rien à perdre et rien à gagner dans la volonté de témoigner. Et puis vous avez évidemment tout ce qui était en ligne à l'époque et également tout ce qui a disparu depuis, parce que mon enquête, comme il y a beaucoup de choses qui ont disparu, j'ai été obligée aussi de la mener avec le principe que effacer les traces laisse des traces. Et oui. parce qu'il y a beaucoup de traces effacées. Et il y a un exemple, par exemple, qui est flagrant, c'est qu'à un moment, quand j'ai commencé à me rendre compte que ça se passait sans doute en mer de Chine du Sud et pas du tout dans l'océan Indien, comme on nous l'a dit, je me suis dit, tiens, ben, on va regarder où sont les navires américains de la 7e flotte. Et donc, sur le site de la 7e flotte, vous avez des communiqués de presse presque, enfin plus que quotidiens. Il y en a parfois 10 par jour, une centaine par mois. Et donc, on peut deviner un petit peu que si tel bateau est en escale à Manille tel jour, 3 jours plus tard, il peut être dans le périmètre, etc. Et alors là, c'est pas compliqué. Ils ont fait un ménage total, c'est-à-dire qu'un mois avant le 7 mars 2014 jusqu'à un mois après, il n'y a pas une seule information. Et ce principe d'effacer les traces, je le retrouve dans beaucoup d'autres choses. Je cherche des images satellites sur la zone ces jours-là, il n'y en a plus une seule, ah oui, etc. etc. Ah oui, c'est un peu la marque de l'enquête, il faut aller à la découverte, si c'est possible, des traces effacées, c'est ce que j'ai compris. Ouais. En tout cas, ce qu'on découvre dès le départ, hein, c'est que beaucoup de pilotes de ligne ne croient pas à la version officielle et à la disparition de l'avion dans l'océan Indien. Et que pensaient des discours du premier ministre australien de l'époque, Tony Abbott, convaincu de connaître l'endroit où se trouve la boîte noire, comme si lui était entré dans la danse comme téléguidé? Oui, disons que l'attitude de l'Australie au début, et même le rôle tout simplement qu'a joué l'Australie dans cette affaire, est tout à fait suspect, disons. Je me souviens, en fait, dès le début, Jean-Paul Troidec, qui est l'ancien directeur du BEA, et qui a notamment travaillé sur la disparition de la... le crash, disons, de la F-447, mm-hmm. Il a été le premier à dire on ne démarre pas des recherches sous-marines sans le moindre indice tangible d'éléments en surface. Ensuite, Paul-Henri Narjolet, qui est un autre, un ancien nageur de combat et qui est un très grand explorateur de bateaux et d'avions coulés, lui aussi connaissait beaucoup de gens qui faisaient partie de l'opération australienne, et il me disait, ce qui se passe, c'est du cirque. Ce n'est pas une recherche sérieuse. Quand on a Angus Houston, qui est quand même un militaire haut gradé australien, qui ose déclarer, on a un indice important, on vient de retrouver une grande nappe de fioul. Alors que on est 38 jours après le crash, et que l'avion était censé s'être écrasé à court de carburant. On trouve du carburant, oui, de qui se moque-t-on ? Mais bien sûr. Donc, il y a pléthore d'indices comme ça autour des recherches qui se font en Australie, qui montrent qu'effectivement, on est là pour amuser la galerie, on est là pour faire diversion, et on n'est pas du tout dans le cadre d'une enquête sérieuse sur une épave d'avion. Alors, il y a un personnage clé dans cette histoire, et pour cause, hein, c'est le commandant de bord, et même son second. Le commandant de bord s'appelle Zahri Ahmad Shah, il a 54 ans, son second a 27 ans, et il est tout jeune, le copilote. Enfin, bref, Zahri Ahmad Shah, celui qu'on a accusé d'être suicidaire, d'être fanatique, d'avoir des problèmes sentimentaux, voulu consacrer un chapitre passionnant, dans lequel vous faites un portrait totalement différent de cet homme. C'est un type, au contraire, bien dans sa peau, bien dans sa vie. On a voulu délibérément lui faire porter la responsabilité de la catastrophe. Ça y ressemble, parce que l'erreur humaine, ça arrange tout le monde dans les catastrophes aériennes. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte en étudiant quelques dizaines d'autres accidents d'avion pour pouvoir justement comparer avec celui-ci. Et j'ai vu qu'effectivement, le pilote, c'est souvent la cible préférée des enquêteurs, parce que ça exonère en particulier l'avionneur et la compagnie aérienne. Mais Zahari Armacha, bien sûr, c'est une figure centrale. Il n'avait aucun des défauts ou des problèmes dont on l'a affublé, en particulier dans la presse anglo-saxonne. Ce que j'en ai trouvé, moi, c'est que c'est un homme tout à fait normal sur le plan humain et moral, aucun problème d'argent, excellent sur le plan professionnel, un des commandants de bord les plus expérimentés de la compagnie. Et du coup, dans ce cas-ci, le fait qu'il soit, à mon avis, hors de tout soupçon, ça apporte justement un élément important quand on essaye de savoir ce qui a bien pu se passer. Parce que si on a un très bon pilote aux commandes, qui va tout faire pour sauver son avion en cas de catastrophe et qui a déjà tout imaginé sur ses simulateurs pendant ses cours, etc. Il n'y a que très peu de scénarios auxquels ce genre de pilote ne peut pas faire face. Bien sûr. Le drame humain de cette affaire, ce sont évidemment les personnes qui ont péri dans cet accident, et puis les proches de victimes dans la famille française. Vatrelot, une mère et ses deux enfants ayant perdu la vie, désormais le père de cette famille, Ghislain Vatrelot, concentre sa vie autour de deux priorités, son fils, qui était resté avec lui, et autour de la vérité. Il témoignait pour Affaires Sensibles en décembre 2014 au micro d'Annaëlle Verzeau. On va entendre son témoignage pendant à peu près 4 minutes et on en parlera ensemble, Florence de Changy, juste après. Vous continuez à travailler ? Je continue à travailler. J'ai deux activités, j'ai mon boulot et j'ai cette enquête parce que je ne crois absolument pas à ce qu'on nous dit depuis le départ. Ce sont les Américains, le FBI, qui va chercher le simulateur de vol du pilote au bout d'une semaine, en nous disant qu'il y a des choses effacées sur ce simulateur, mais qui ne dit jamais rien de plus derrière. Ce sont les Anglais qui disent où est l'avion, avec Inmarsat. Et ce sont les Australiens qui cherchent. Donc dans le monde du renseignement, quand vous dites ça à des gens du renseignement, en général, ils vous disent assez rapidement « j'ai compris ». Et donc c'est ce trio infernal qui, aujourd'hui, mène la danse. Pourquoi ? J'aimerais savoir. Et votre hypothèse, c'est quoi ? J'ai pas d'hypothèse parce que j'ai des doutes sur tout ce qu'on nous donne. Donc en fait, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire. Dès les premiers jours, on a quelque chose à cacher. Je ne sais même pas si finalement les radars malaisiens qui sont de l'autre côté sont vrais. Je n'ai pas de preuves, on nous a jamais apporté aucune preuve dans cette histoire, en tout cas nous, familles. Guylain, vous dites donc, je travaille sur cette enquête. Avec les autres familles, vous avez demandé aussi peut-être à des journalistes ou à des enquêteurs d'aller sur place, de mener l'enquête, ou vous-même, vous menez cette enquête personnellement ? Très rapidement, effectivement, on a monté des actions avec les familles. Mais la plus grosse nationalité dans cet avion, c'est 150 Chinois. Rapidement, les 150 Chinois ont été menacés. Certains ont été emmenés au poste pendant 24 heures, quand ils se réunissaient, quand ils faisaient des actions envers la Malaysia Airlines, envers le gouvernement malaisien. Donc ils se sont rassemblés un jour devant l'ambassade de Malaisie. Ils ont été embarqués par la police. Je les ai rencontrés la semaine dernière pour la première fois. Et on m'a expliqué qu'on leur avait demandé de ne pas contacter les autres familles des autres pays. Qui leur a fait cette demande ? Ben, le gouvernement chinois. De ne pas contacter les médias des autres pays. Donc aujourd'hui, ils sont menacés. Donc ils n'ont pas le droit d'agir. Il reste très peu de gens dans cet avion avec qui on peut travailler. Donc il y a une Américaine, il y a deux Indiens, il y a une Australienne, et voilà, c'est tout. Mais le gouvernement français dans cette histoire, vous aviez écrit à François Hollande. C'est ce qui me fait peut-être le plus mal quelque part. Je me sens totalement abandonné par mon pays. D'abord, la première chose, il n'y a jamais eu qui que ce soit du gouvernement qui se soit exprimé sur cette affaire-là. Alors qu'on le voit tous les jours, hein. On le voit tous les jours, dès qu'il y a un Français disparu, dès qu'il y a un otage quelque part, dès qu'on s'exprime. Sur cette affaire-là, depuis le premier jour, personne ne s'est exprimé. J'ai écrit au président en lui demandant pourquoi, et j'ai trouvé un peu irrespectueux qu'il ne me réponde pas personnellement, que c'est son chef de cabinet qui me réponde, en me disant « on ne sait rien ». Vous allez retourner là-bas ? Je voulais pas y retourner. Je suis allé pour la première fois la semaine dernière. Je suis retourné dans cet aéroport et ça a été très dur. C'était le dernier moment où j'avais des nouvelles de ma famille, notamment ma fille qui dans cet aéroport, envoyé un chat à sa meilleure copine en disant « Je suis content, je vais retrouver mon papa. » C'est le dernier mot de ma fille. Voilà, je suis retourné dans cet aéroport où elle a dit ça. Mais j'étais content de voir les familles, de pouvoir discuter avec eux. J'ai aussi vu des avocats malaisiens qui avaient lancé une action contre le gouvernement malaisien et contre Air Malaysia pour négligence. Ça avance, l'enquête que vous menez avance ? Oui et non, ça avance très doucement. Parce que on se bat contre plus fort que nous. Mais mon espoir, c'est que il y a des tas de gens qui ont des petites pièces du puzzle. Il y a des tas de personnes qui ont parlé ou qui n'ont pas encore parlé, qui savent des tas de choses. Mais ça va prendre du temps. Beaucoup de courage, hein ? Non, c'est pas du courage. C'est l'évidence même quand ça vous arrive. Ben voilà quoi. Pourquoi ils ont disparu ? J'ai besoin de répondre à cette question. Oui, ça va prendre du temps. Il a raison, Ghislain Vatrelot. Il avait raison de dire. On était en décembre 2014, hein, 9 mois après le drame, et il y a de cela maintenant 6 ans. Et c'est vrai qu'en 6 ans, on n'a pas appris grand-chose. Ça prouve. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'il a dit ? Il y a beaucoup de choses, hein, dans ce témoignage. Florence ? Oui, je pense que l'attitude de Ghislain depuis le début est assez remarquable. C'est évidemment grâce à lui qu'il y a encore une enquête qui continue dans cette affaire. Et d'ailleurs, du point de vue des familles chinoises, moi, quand je les ai rencontrées, ils m'ont dit « c'est notre héros » parce que c'est lui qui fait en sorte qu'il y a encore une enquête et que l'espoir, et qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Mmh. Et cet espoir, il repose sur l'enquête française. Vous dites bien Ghislain, effectivement. C'est Ghislain et non pas Ghislain. Quant à votre livre, non, mais il faut rectifier quand il est encore temps. Quant à votre livre, le deuxième livre, vous en avez écrit deux. Le deux, c'est bien La disparition, on est bien d'accord ? Absolument. Voilà. Et le premier, c'était N'a pas disparu. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté la Del Rey. Et on ira pour la fin de l'entretien vers l'hypothèse, une nouvelle hypothèse, celle que vous semblez retenir, en tout cas, qu'il ne faut pas exclure, et elle est intéressante. Lana Del Rey, donc, Chamberlain Over the Country Club. I'm on the run with you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing, my little red sports car. I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange. Next, baby, we're loving, white picket camp. Florence Deschamps-Chi. On va aller maintenant, non pas dans le vif du sujet, parce qu'on y est depuis le début tout de même, mais dans l'hypothèse qu'on pourrait retenir. Vous citez une information selon laquelle deux avions militaires américains des AWACS étaient sur la zone au moment de la disparition, entre guillemets, du MH370, c'est une première chose. La deuxième, qui est peut-être liée, c'est le regard qu'on ferait bien de porter sur ce que l'avion transportait dans ses soutes. Peut-être que la clé du mystère est là. Oui, absolument. la première information, en fait, c'est justement Guylain Watrelot qui l'a eu il y a très longtemps, quasiment au lendemain de la disparition. Il avait un contact de très haut niveau de renseignement que moi, depuis, j'ai croisé et confirmé, disons, qui était qu'il y avait deux AWACS sur zone, deux AWACS américains sur zone, et que les Américains savaient ce qui s'était passé, et la personne a ajouté « mais je ne peux pas t'en dire plus ». D'ailleurs, c'est une information qu'il a publiée dans son propre livre. Et donc, il y avait cette énigme, ou cet indice plutôt, depuis le tout début. Déjà, deux AWACS, c'est très bizarre, parce que un, il se suffit à lui-même. Mais bon, je ne savais pas quoi en faire, et d'ailleurs, dans mon premier livre, je ne l'ai même pas mentionné, parce que j'avais bien l'impression que c'était important, mais comment et pourquoi ? Et puis, des années plus tard, un ancien militaire américain m'a glissé au détour d'une autre conversation que la capacité de brouillage des AWACS était phénoménale. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu. Mais venant de cette source-là, ça a été un petit eureka. Et c'est là que je me suis dit, d'accord, donc ça y est, j'ai compris pourquoi ces deux AWACS étaient tellement importants. Ce qui s'est passé, c'est que quand l'avion a disparu, entre guillemets, des écrans radars, il n'a pas disparu, il a été brouillé. Mais oui. Et ensuite, j'ai cherché d'autres éléments qui pouvaient corroborer cette hypothèse, et il y en a pléthore, en fait. Le premier, c'est que quand l'avion disparaît des écrans radars de Ho Chi Minh Ville, donc du côté vietnamien et malaisien, il disparaît de manière progressive. Il met à peu près, il y a 40 secondes, presque 40 secondes entre ce qu'on appelle le mode C et le mode S, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez sur votre écran quand vous regardez votre petit avion. Si, comme on nous l'a dit, le transpondeur avait été éteint, tout aurait disparu d'un coup. D'un coup. Donc ça, c'est cohérent avec le brouillage. Ensuite, quand vous regardez ce qui se passait sur les softwares comme Flight Radar 24, où on voit tous les petits avions qui volent en temps réel dans le monde, vous regardez, vous voyez MH370 qui disparaît au moment où il disparaît. Et ce qu'on observe, c'est que les avions qui sont autour de lui disparaissent également, momentanément, mais réapparaissent peu après. Eux, oui. Donc ça, c'est également... Et voilà, oui. Eux, oui. Bon, enfin, bref. Ensuite, à 2h25, donc une heure plus tard, il se trouve que l'avion communique à nouveau. Et donc là, j'en déduis qu'il n'est plus brouillé. Mais donc ça, effectivement, c'était un élément très, très important dans la mise au point de mon scénario final. Et les soutes, maintenant ? Est-ce qu'on peut considérer que l'avion transportait quelque chose de très sensible ? Ben, on est un petit peu obligé de se dire qu'est-ce qu'il avait comme problème, cet avion. Et d'ailleurs, moi, il y avait une information qu'on m'avait donnée il y a longtemps en me disant ne cherche pas plus loin, la solution, l'explication de la disparition, elle est à l'intérieur de l'avion. Et donc, forcément, à l'intérieur, c'est soit les passagers, soit le cargo. Les passagers, la logique voudrait que si vous devez les transporter en douce, vous utilisez des jets privés. En 2014, ça se faisait déjà énormément. Entre Kuala et Beijing Capital, le terminal pour les jets privés. Donc, on regarde plutôt ce qui se passe du côté du cargo. Et en fait, sur les 10 tonnes de cargo, il y a les deux plus gros cargos sont tous les deux problématiques à leur façon. Il y en a un, c'est 4,5 tonnes de fruits qui sont hors saison, et je les avais beaucoup étudiés dès le début, parce que, de toute évidence, ce n'est pas des mangoustines, des mangoustans, parce que cette saison-là, il n'y en a pas, et il y en a encore moins 4,5 tonnes. Mais sauf que j'avais constaté qu'il y en avait également dans toutes les soutes, enfin dans tous les MH370 d'avant et après le MH370 du 8 mars. Donc en fait, c'est un trafic quotidien. Oui. C'est peut-être de l'ivoire africain ou quelque chose comme ça. Il se trouve que Kuala Lumpur International, l'aéroport international, est une plateforme de trafic entre l'Afrique et la Chine. Et donc oui. C'est peut-être pas celui-là. Mais l'autre. Il ne reste que même pas une minute. Hein. Alors l'autre, voilà. Alors l'autre, c'est 2,5 tonnes de matériel électronique qui, non seulement a été embarqué sans être scanné, oui. et qui, en plus, a été apporté, livré à l'aéroport le soir même, sous escorte. Donc sensible. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais c'est quand même très problématique et très énigmatique. Alors donc, juste une question à réponse par oui ou par non, parce qu'on n'a plus le temps. Donc, on peut dire que l'avion a pu être abattu, hein, c'est une hypothèse, soit par erreur, soit délibérément. Tout à fait. Bien. Et juste une dernière question. Vous avez revu Guylain Vatrolo récemment. Vous le voyez. Vous avez des nouvelles? Je prends des nouvelles régulièrement. Je suis coincée ici par le Covid. Ouais, bien sûr. J'espère qu'il va bien, mais je pense qu'il préférera vous le dire lui-même. Bon. D'accord. Merci beaucoup, Florence Jean-Jouy. Au revoir. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition du vol de la Malaysia Airlines. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.